de la part de la l'objectif rapporte à cette partie de consultation pour que vous puissiez plus vous répondre. Vous posez les mêmes questions, c'est pour moi qui cache la chimie. Soit clair, bon, cette partie, elle ne demande pas. On ne demande pas de faire des indications thérapeutiques, des recherches thérapeutiques, de les aider, comme vous faites votre produit au cours de l'étude. De mots, de casseroles, d'infectieux. Qu'est-ce qu'on attend de vous? Ce que j'attends de vous, sur ce côté. Alors, sur ce côté-là, elle peut voir la pharmacologie spéciale de deux façons. Soit on la voit du côté pharmacologique, c'est-à-dire une classification pharmacologique, à l'écoute d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on parlera des médicaments du système nerveux autonome. D'accord? Et dans cette classe pharmacologique, on va trouver les classes thérapeutiques. Sinon, c'est l'inverse. Après, on va prendre la famille thérapeutique. On prendra deux traitements d'hypertension. Et dans ce traitement d'hypertension, vous verrez les classes pharmacologiques différentes. On parlera des bêta-bloquants, des inhibiteurs d'enzymes de conversion, des inhibiteurs cardiaques. Voilà, facilement. Le point de vue, donc, c'est l'un ou l'autre. L'objectif, deuxième objectif, ce que j'attends de vous, c'est pas d'apprendre les noms des médicaments. C'est pas l'intérêt. Je ne vous demanderai jamais ça. Par contre, je vous demanderai, par classe thérapeutique ou pharmacologique, il y a des points communs. C'est quoi? C'est de maîtriser un peu la physiologie. De dire qu'on a un dysfonctionnement et qu'un médicament va venir. Il va venir pour corriger. C'est-à-dire qu'il a un mécanisme d'action. Comment se fait le mécanisme d'action? Deuxième volet, c'est que ce médicament pose des problèmes. Ou cette classe thérapeutique, parce qu'on parlera pas de médicament, mais de classe thérapeutique, quand on parlera des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, et là on va dire qu'ils sont proscrits chez la famille. On expliquera pourquoi. On dira qu'ils sont prescrits sous surveillance. Voilà pourquoi. C'est dans la médicament. Et même demain, vous aurez une question, et eh bien je vais créer par exemple, c'est du lopressor. Et lopressor, en parenthèse, c'est un bêta-bloquant. Donc, vous allez raisonner beaucoup plus sur le mode d'action et les effets secondaires de la classe et non du médicament, parce que vous aurez toute l'attitude pour la suite de voir le contenu de chaque médicament et des affaires. Par contre, il vous sera indispensable, par contre, de préparer ces cours sous forme de fiches pour vous. Parce qu'ils vont vous servir, je vous assure, plus tard. Quand vous allez prendre des cartes de tonique, et vous allez voir quels sont le mode d'action et les contre-indications, la rose, ça va être un complément. Quand on parle des antiépileptiques, et on dira que voilà le mode d'action des antiépileptiques, et voilà le problème des antiépileptiques, le reste passe. Puisque c'est gravé, vous allez compléter au fur et à mesure. Voilà ce que j'attends. De vous essentiellement. Maintenant, c'est un mode d'action et une prescription. Soit une prescription, on n'en parlera pas, je vous le dis maintenant. On parlera des indications de temps en temps, c'est pas ça. C'est beaucoup plus prescrit sous surveillance, pourquoi, et proscrit pourquoi. Voilà grossièrement ce que j'attends de vous de voir. À travers, donc, on va commencer par une famille qui est quand même. On va avoir du bureau de débat. On va commencer par le système nerveux. On commencera par le système nerveux sympathique et le parasympathique. Je donnerai donc pour le sympathique, ce ne sera pas un polycope, donc vous allez prendre note parce qu'il y aura beaucoup d'exemples. Vous allez voir après. On ne va pas parler un peu de tout et de rien parce que c'est une certaine famille, on va les revoir. Mais quand on abordera la thérapie du système nerveux central, là, vous aurez le polycope parce que je voudrais que vous ayez la base. Ensuite, il y aura des choses à dire. Bon, ça, c'est un peu plus con. Je vous demande également, on a déjà parlé de certains éléments, vous allez voir. On a parlé de spécificité et affinité. Et vous verrez également que l'affinité, il y a des récepteurs. Dans un même endroit, il y a des récepteurs. Quand on se parle, on parlera des récepteurs à taille bêta. Mais maintenant, il y a des sous-récepteurs, des bêta 1, bêta 2. Mais je vous demanderai que, et vous allez voir des exemples, dont on a déjà cité, mais on va les compléter aujourd'hui, je préfère, je vais dire que ça va être de la redite, mais au mieux à ce que j'ai dit que parfois la réponse dépend non seulement de l'affinité, mais de la dose. Parce que quand on augmente les doses, la réponse change. Et de ce fait, l'objectif thérapeutique que vous avez recherché, parce qu'on avait dit dans le cours, initialement, que l'objectif thérapeutique était guidé parfois par la voix. Vous pouvez utiliser une voix d'urgence, d'accord, en cherchant une voix qui était considérée locale. D'accord, etc. Là, on va reprendre les dires de la pharmacologie générale, on va les replacer. Je vous demande également de faire appel un peu à vos vestiges. Des vestiges. Vous voyez ce que c'est vestiges ? Des ruines. Ah, c'est des ruines. J'espère que pour certains, vous avez des paroles. Auquel devrait dire de physiologie. Voilà, il y a un truc. Donc, il y a eu une apoptose du système nerveux. Donc, je vais pas. La physiologie, là, c'est en deuxième année. Système nerveux, ouais. Troisième trimestre. C'est récent. Si c'était premier trimestre, j'aurais compris. C'était 2012. En 2013. Ça va tout pas passé. Passer sur certains diapos pour vous faire rappeler ce que c'est. Le système nerveux, il y a le central, Dans la partie centrale, vous allez voir. Sympathique et le parasympathique. Et on met en compte l'introduction pour commencer. Et on dira quelques petits mots sur l'anatomie. Pourquoi ? Parce que ça va nous expliquer quelques problèmes thérapeutiques. Quelques petits problèmes. D'accord ? Donc on distingue, vous notez, on distingue deux systèmes, le système orthosympathique et le système parasympathique. On distingue deux systèmes, sympathique et parasympathique. Système sympathique et parasympathique. l'ortho. C'est pas qu'il y a pas de pain. L'ortho. On va se mettre d'accord. Les bibliothèques. Que ce soit l'écriture pharmacologique, pour la langue. Si vous faites sympathique, faites ça. C'est plus simple. Et quand on veut faire le contraire du sympathique. P. C'est le lithique. Si vous faites le parasympathique, vous faites ça. Et le parasympathologique. Comme ça, vous n'allez pas répéter chaque fois. Vous notez que ces deux systèmes. Ces deux systèmes présentent les éléments suivants. Ces deux systèmes présentent des éléments suivants sur le plan anatomique. Donc, il y a donc tout le système donc, central végétatif. Les fibres préganglionnaires et postganglionnaires. Les fibres préganglionnaires et postganglionnaires. Et les ganglions végétatifs. Vous n'avez pas besoin de prendre ce schéma, simplement sur le plan anatomique, pour vous dire que les systèmes, il y a donc une différence. Hein, sur le plan de structure, essentiellement au niveau des fibres pré- et post-ganglionnaires, dans le système parasympathique, la pré est beaucoup plus importante que la post, contrairement au système sympathique. Il y a une différence également sur les médiateurs, d'accord ? Pour le système sympathique, c'est la noradrénaline, et pour le parasympathique, c'est l'acétylcholine. Ça, vous le savez déjà. Par contre, ce qui est important thérapeutique, vous allez voir qu'il y a autre chose. C'est qu'au niveau ganglionnaire, aussi bien pour le sympathique que pour le parasympathique, le médiateur est... Ça, c'est les vestiges. Non. C'est l'acétylcholine. C'est l'acétylcholine. Au niveau ganglionnaire, c'est l'acétylcholine. Et c'est pour cela, vous allez voir, j'ouvre la parenthèse, je la ferme, pour ne pas vous embêter beaucoup, mais on va revoir, c'est que quand on donne des thérapeutiques, soit que la thérapeutique est ganglionnaire, ou dans le cas de surcharge et de surdosage, et bien vous verrez que souvent, que c'est le système parasympathique, vous avez donné un médicament sympathique, plutôt parasympathique, et la réaction est ainsi une réponse sympathique. Pourquoi ? Parce que la stimulation, ça, je le dis rapidement, mais je... On va revoir. Tout simplement, comprendre qu'on n'a pas stimulé les effecteurs, mais tout simplement les ganglions. De telle sorte que les ganglions n'ont pas déclenché la libération uniquement de la cytochromie, mais par via ganglionnaire, c'est la NORA. Et la réponse, c'est un médicament qui est à objectif thérapeutique parasympathique, mais ça. Son surdosage ou sa surcharge a inondé les récepteurs ganglionnaires. De telle sorte que, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est cette stimulation ganglionnaire qui va déclencher comme effecteur là, la NORA. Et les réponses que vous aurez, ce ne sera plus une réponse cholinergique, mais une réponse adrénergique. On vient, on va aller à travers ce schéma, on va revoir tout ça, mais pour montrer ça, c'est une autre particularité du système nerveux central, sympathique ou parasympathique, mais vous verrez également qu'il y a une troisième également particularité. Donc faites attention, dans ce système, parfois les réactions ne sont pas très définies. D'ailleurs, il est dit d'une façon générale, il faut que le système cholinergique, physiologique, il faut que le système cholinergique est restaurateur, il est modéré, il est calme, alors que le système adrénergique est anarchique, il est brutal. Voilà la différence entre les deux systèmes. Pourquoi ? Parce qu'il peut être, il n'a pas qu'une seule voie, il a une bifurcation. Vous n'avez pas besoin de prendre ça également. Je vais vous le donner autrement dans un autre schéma. Pourquoi j'ai mis ça ? Là, vous avez, et ça c'est un autre élément, un autre objectif, Le tableau que je vais vous remettre, vous êtes censé l'apprendre. Il est là que je vous demande d'apprendre. Là, vous êtes obligé d'apprendre. Si vous apprenez ce tableau de façon intelligente, pas en totalité, eh bien, il va vous servir à comprendre le système, tout le système sympathique, les réponses et tout le système parasympathique. Pourquoi ? Eh bien, je vous ai donné comme exemple. On constate, on va prendre uniquement au niveau des branches, le système sympathique va vous entraîner une bronchodilatation. D'accord ? Le système sympathique entraîne une bronchodilatation. C'est-à-dire un agoniste. C'est ça ? Un stimulateur est appelé agoniste. Vous n'avez pas oublié. Si je bloque, si je donne un antagoniste, je vais avoir quoi ? Une bronchodilatation. Quand on donne des bêta-bloquants, les bêta-bloquants entraînent une bronchoconstriction. C'est pour ça que dans notre cas d'hypertension, vous verrez que les bêta-bloquants sont proscrits chez l'asthmatique. C'est parce qu'ils entraînent. Donc si je prends l'inverse, si je retiens, si je suis censé ne pas apprendre bêtement, et ben, je vais effacer tout ça, je vais retenir que la première colonne. Ça, c'est un indice pour vous. Si j'ai un agoniste, l'antagoniste est censé me donner le contraire. On est d'accord. Le parasympathique, d'accord. Le contraire du parasympathique, donc le parasympathique est une bronchoconstriction. Le contraire, c'est-à-dire le parasympatholytique, est une bronchodilatation. C'est l'inverse. On est bien d'accord. Si je prends le tableau, dans la... il y a une différence entre le sympathique et le para. C'est l'opposé. Par contre, le sympathique et le parasympathique, c'est la différence. Et naturellement, entre le sympatholytique et le parasympatholytique, c'est le contraire. C'est-à-dire que si je retiens ça, je peux rester simple sur le plan des faits. Je sais que ça, c'est l'opposé de ça et l'opposé de ça. En d'autres termes, qu'est-ce qui peut rester ? C'est que les effets du sympathique sont les mêmes que le parasympathique et vice-versa. Ça, c'est une étude, c'est une logique d'étudiant. Pour apprendre, il faut une certaine logique. C'est que si j'apprends une donnée, le reste, c'est un jeu. Comme si c'est un plus de données combinées. Mais pourquoi ? C'est pour ne pas répéter chaque fois que j'ai un médicament qui est un parasympathique sur l'œil, parce qu'il va entraîner, sur le cœur, parce qu'il va brûler, ça va poser beaucoup. En fait, si je retiens un élément, le reste est simple. Ça va m'expliquer d'abord qu'il y a des effets contraires, qu'il y a un agoniste et un antagoniste, on est bien d'accord. Mais deuxièmement, il peut m'expliquer également les effets secondaires. Mais il peut m'expliquer également dans quel cas je dois faire une synergie additive. Dans ce cas, la synergie additive, c'est important. Si je dois faire, c'est-à-dire que je peux, ce sont des récepteurs différents, mais ce sont les mêmes effets. D'accord ? Je peux donner un inhibiteur partiel. J'ai quelque chose, je vais donner le contraire pour inhiber si j'ai des effets secondaires. Voilà l'intérêt de ce tableau. Pour revenir à votre extrapolation de ce qu'on a vu, donc vous avez une idée, une orientation, et le reste doit être appris intelligemment. Ça peut vous aider également à comprendre autre chose. Ce tableau, j'ai un médicament qui m'entraîne à l'effet, ce que j'ai donné comme exemple, que je ne peux pas donner à un sympatholytique, j'ai un asthmatique. D'accord ? Un bêta-bloquant. Si j'ai un bêta-bloquant, donc il peut me poser des problèmes. Parce qu'il est bronchoconstricteur, et vous verrez dans le contrat, si mon GAG qui me fait une détresse respiratoire, un emphysème, un petit problème respiratoire, ça peut poser des problèmes, ça peut être prescrit sous surveillance ou pas. Je ne peux pas donner également, si certains vont vous allez voir, les bêta adrénergiques ont une activité métabolique. Ils augmentent hein, la libération du glucose. Si j'ai un diabétique, il doit faire attention, etc., etc. Donc non seulement vous avez. Ce tableau vous permet de retenir l'association de médicaments, de comprendre les interactions, les droits à des contre-indications. Aussi bien chez la femme enceinte, vous allez voir également hein, le jeune enfant ou là, le sujet âgé. Ça, c'est le principe objectif global. Est-ce qu'on est bien d'accord sur ça? C'est ça, ce tableau, je l'ai donné comme exemple, mais vous allez voir, il est un peu plus complet. Il n'est pas compliqué à apprendre, mais vous allez, je vais vous montrer comment le résumer. Vous avez mis A, rappel anatomique, en fait B, rappel physiologique. Le neuromédiateur de ce système est la noradrénaline, que j'appelle l'évolée d'avant, et même vous le trouvez dans une question, c'est Mira Nora. D'ici elle. Hein? Donc, le neurotransmetteur est la noradrénaline, et donc on a trois types de récepteurs. Donc, il existe trois types de récepteurs: alpha, bêta et adrénergique. Le récepteur alpha, le récepteur bêta et le récepteur adrénergique. Notez que la noradrénaline est synthétisée. La noradrénaline est synthétisée comme suit, et vous prenez le schéma, c'est toujours des rappels. La nora vient de la tyrosine. Vous n'allez pas apprendre ça, mais je vais vous dire que le mot-clé, pourquoi? C'est la tyrosine qui vous donne la dopa. La dopa vous donne la dopamine, et la dopamine vous donne de la norme, mais vous allez voir qu'il y a une relation étroite entre dopamine et noradrénaline. Parce que c'est un précurseur. Et ça, vous allez voir que sur le plan thérapeutique, c'est très important. Mais pourquoi également j'ai mis ce schéma? Parce que vous constatez que ça s'intéresse aussi au commandement de trois enzymes. La tyrosine hydroxylase, surtout la dopa décarboxylase, et la dernière, la dopamine hydroxylase. Et souvent, avec le problème d'échec thérapeutique, quand on arrive à en face, c'est un sujet qui a un déficit, enzymatique. Parfois, on n'a pas assez de nora synthétisée dans l'organisme, par défaut. Par contre, ça est important, vous allez voir le pourquoi. Le précurseur est important. Quatre mots, trois flèches, vous mettez autant de temps. Pour rappel physiologique, pour vous rappeler, comme pour les systèmes parasympathiques, donc il y a une synthèse, le médiateur est libéré tout à l'entrée du calcium, libéré au niveau de la fente, qui peut se fixer sur les récepteurs, on va les voir, on va les expliquer, soit les récepteurs adrénergiques, soit les récepteurs alpha, soit les récepteurs bêta. Mais vous savez très bien que c'est un système qui ne va pas durer parce qu'il y a une dégradation. La dégradation se fait par deux enzymes, dont une, on en a déjà parlé. Dans le métabolisme, vous avez une question, vous êtes là. Et la circulation est là. Que la nora est dégradée grâce à deux enzymes, c'est les monoamines oxydases et le système CAM, catécholamine O-méthyl. C'est une méthylation. Sauf qu'elle est faite de façon endogène. La méthylation de la nora désactive la nora. C'est-à-dire qu'à la rente, il est efficace qu'elle ne peut pas se fixer sur les récepteurs. Pour arrêter la transition. Mais la méthylation d'une molécule exogène, pardon, on va enlever son temps. Là, c'est bien. Donc, vous notez que ça se. Ce neuromédiateur est dégradé par les monoamines oxydases et par la catécholamine O-méthyl transférase. Par les monoamines MA, monoamine oxydase, ou par le COMT, catécholamine O-méthyl transférase. On en parlera ultérieurement pour les MAO. Il y a des traitements de la dépression. Les sujets sont dépressifs. D'accord ? Et la dépression, une des raisons de la dépression, c'est un déficit en catécholamine. D'accord ? C'est la NORA. Ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas assez de NORA. Et la NORA est un stimulant. Les dépressifs sont atypiques. Donc qu'est-ce qu'on donne ? On donne aux médicaments la classe des IMAO, les inhibiteurs de la monoamine oxydase. C'est-à-dire quoi ? On inhibe l'enzyme qui va dégrader le rapport très bien pour donner une quantité suffisante à la NORA pour s'accumuler au niveau des SSF. Au lieu de la dégrader plus rapidement, elle va dégrader plus lentement parce qu'on bloque l'enzyme, une des enzymes, parce que deux enzymes, comme et MAO, donc au moins on bloque une enzyme pour permettre une activité stimulante un peu plus longue et plus importante. Ça, c'est donc très bon, vous allez voir, constater que la classe thérapeutique est tout autre. C'est une activité sympathique, d'accord ? Mais le traitement, c'est le traitement de la dépression. Avant de prendre ce schéma, ce petit schéma, c'est tout simplement un autre mot-clé sur lequel j'insiste. Dans tous les médicaments du système nerveux sympathique, parasympathique, vous avez des médicaments du système nerveux central. On a un problème pendant les médicaments. On a des récepteurs post-synaptiques et des récepteurs pré-synaptiques. Quand on donne des médicaments qui agissent sur les récepteurs post-synaptiques, généralement, on n'a pas beaucoup de problèmes. Pourquoi ? Parce que ce sont des médicaments qui vont copier l'effet du médiateur. C'est eux qui vont se fixer. D'accord ? Mais quand on s'adresse aux récepteurs présynaptiques, c'est un problème. Les récepteurs présynaptiques sont des récepteurs en physiologie. En physiologie. Bêta 2 ou la bêta 3, il peut être post-synaptique. dans un autre site. Les bêta 1 sont à localisation cardiaque. Les bêta 2 sont vasculaires et bronchiques, etc. Mais quand on parle de récepteurs, quand il y a existence de récepteurs post et pré-synaptiques, généralement, le 1 est post, le 2 est pré-synaptique. Bon. Je ne vais pas vous embêter ni vous embrayer avec le 1 et le 2. Je vais vous mettre toujours post ou pré, mais regardez ce qui se passe. Quand vous prenez les récepteurs alpha 1, qui est post-synaptique, il y a une stimulation. Quand vous prenez le alpha 2, c'est-à-dire celui dans l'autorégulation, il y a inhibition par rétro-contrôle. Et quand il s'agit également des récepteurs bêta, il y a une augmentation de l'AMP cyclique. Et l'augmentation de l'AMP cyclique ne peut être que stimulation. D'accord ? Je vais passer rapidement, vous n'allez pas prendre cette planche, elle résume, tout simplement, regardez, si je prends les différents récepteurs, les récepteurs bêta, qui sont généralement post-synaptiques, stimulent l'adénine cyclase, qui ne peut être que synonyme d'une stimulation. Alors que les récepteurs bêta, tout ce qui est post augmente l'activité automatique de stimulation, et les alpha 2 qui sont autorégulés diminuent. Donc ce sont des inhibiteurs. D'accord ? Retenez donc la seule chose qui est indispensable, c'est que les récepteurs, souvent, et très très souvent, on va dire généralement, les récepteurs présynaptiques sont des récepteurs d'auto-régulation. Vous allez voir que dans les médicaments, quand on parle de médicaments, et bien il y a des médicaments, un autre mot-clé, il y a des médicaments qui vont jouer le rôle du médiateur, du neuromédiateur. C'est-à-dire qu'on donne un médicament qui, lui, va être l'ANORA. Donc, qui va se fixer directement sur les récepteurs post-synaptiques. On les appelle même directs. D'accord ? Mais il y a des médicaments qu'on donne qui ne peuvent pas agir, qui ne peuvent pas, ils n'ont pas d'affinité pour ces récepteurs. Ils vont tout simplement favoriser la libération du médiateur qui, lui, va se fixer. Et on les appelle pas les D'accord ? Chaque fois qu'on parlera de médicaments sur le plan de récepteur direct, là je ne vous demande pas d'oublier, c'est le médicament qui se fixe sur le récepteur. Un médicament à action indirecte, il ne se fixe pas, il facilite les IMAO, ce sont des inhibiteurs indirects, parce que eux, en bloquant ZIP, ils favorisent l'action de la NORA. D'accord ? Par contre, il y a des bloqueurs. Les bloqueurs, c'est carrément soit les alpha bloquants, soit les bêta bloquants. Ça, c'est les médicaments action directe. D'accord ? Entre le direct et l'indirect. Vous pouvez prendre ce schéma. Je vous demande, s'il vous plaît, pour ne pas faire trop de philosophie, c'est les récepteurs. Hein ? On dit, vous mettez que c'est une stimulation. Récepteur alpha 2, c'est diminution de l'AMP cyclique, c'est libération. Inhibition de la libération, c'est. Vous n'avez pas besoin de l'IP3, le DAC, le PLC, c'est pas pour vous. Ça, c'est la partie moléculaire. Retenez tout simplement que la stimulation du récepteur, d'accord, va soit diminuer, soit augmenter la cyclique et de ce fait, soit provoquer une stimulation ou une inhibition. On est bien d'accord ? C'est bon ? Voilà le tableau sur lequel vous avez donc très la chance. On va le simplifier quand vous l'aurez. Là, je l'ai détaillé pour faire la différence entre les récepteurs aussi bien alpha 1 que alpha 2 que les récepteurs bêta 1 et bêta 2, même un peu dans les bêta 3 qui agissent sur le plan métabolique. D'accord ? Vous verrez parfois que les récepteurs sont, donc, peuvent donner, à titre d'exemple, au niveau des muscles lisses, que des récepteurs à stimulation, aussi bien alpha 1, alpha 2, bêta 1, 2, donc une relaxation. Une amène. Parfois, ça donne carrément des dépenses totalement différentes entre les récepteurs alpha 1 ou les récepteurs beaucoup plus. On constate qu'il y a plus de récepteurs alpha 1 que les récepteurs alpha 2. C'est normal, il y a plus de récepteurs postsynaptiques que de récepteurs présynaptiques. Vous avez la même chose, contrairement, pour retenir, vous avez plus de récepteurs bêta 2 que de récepteurs bêta 1, parce que les récepteurs bêta 1 sont beaucoup plus à localisation cardiaque, plus spécifique. D'accord ? Quant au récepteur bêta 3, c'est essentiellement au niveau du métabolisme. C'est quelque chose que vous pouvez synthétiser, que je vais faciliter, je vais vous l'imprimer le données. Vous allez voir que c'est un peu plus simple. Après donc, là on va rentrer, ça c'est, on en était dans les généralités, d'accord ? Dans les généralités donc anatomiques, généralités physiologiques du système, on passe à la thérapeutique. Donc troisièmement, on a ce qu'on appelle, ce que je vous ai déjà mis sur le tableau, on commence par les sympathos mimétiques. Merci beaucoup. C'est la même chose. On appelle les enfants mimes, les parents, les grands-pères. Donc. Faire comme, c'est un médicament qui va faire la même chose que l'adrénaline. Et dans ce cas, j'en ai parlé, on a ceux qui agissent de façon directe et ceux qui agissent de façon indirecte. On va voir aujourd'hui, on s'arrêtera sur les directs. Donc, on va parler des sympathomimétiques directs. Vous allez garder le même raisonnement. Puisqu'on a parlé, donc ce sont des médicaments qui vont agir comme la NOMA, il y a quel type de récepteurs ? C'est les récepteurs adrénergiques, les récepteurs alpha, puisque 1, puis 2, parce qu'on les considère comme mimétiques, c'est des stimulants. Donc on peut avoir que agoniste. D'accord ? Si demain, dans une question, vous verrez que je mettrai que dans les mimétiques directs, je mets les alpha 2. Agoniste, donc je chiffre au lieu de la 1, 2. T'as qui chiffre à 2 agonistes, vous m'arrêtez ? C'est clair. Donc si c'est moi qui me suis trompé, on va voir, pour vous, c'est faux. C'est-à-dire que alpha 2 agoniste n'existe pas. Parce qu'on a dit qu'il est inhibiteur et non stimulateur. D'accord ? Et si dans une question que je parle, la question est fausse, et je dis que voilà le mode d'action des alpha 2 agonistes, voilà leur mode d'action. Si la question d'emblée est fausse, c'est que toutes les propositions sont fausses. Oui. Donc, les sympathomimétiques directs, on commence par la première molécule, l'adrénaline. L'adrénaline, c'est la dernière. D'accord ? C'est une molécule qui n'est pas commercialisée, donc elle est essentiellement à usage hospitalier, une molécule à usage hospitalier, elle n'est pas commercialisée en officine. Avant d'écrire, donc réellement sur le plan physiologique, sur le plan physiologique, l'adrénaline a un effet essentiellement métabolique, c'est-à-dire qu'elle agit sur le métabolisme des glucides, des lipides, beaucoup plus. Hein. Alors que si on prenait l'adrénaline en tant que médicament, en tant que principe actif, on l'utiliserait dans en cardiologie. On avait dit qu'on utilisait. Adjuvant. Dans la différence dans lequel je voulais venir, merci beaucoup. Faites attention à la question. Est-ce que la question, est-ce que j'ai demandé à ce que l'adrénaline soit utilisée en tant qu'adjuvant ou la principale? Maintenant, si c'est en tant qu'adjuvant, l'indication de BF a un anesthésie locale, c'est par son effet vaso. Elle augmente la durée de l'effet d'hydration, une forme d'hydration. Mais si je dis, revois, que c'est un médicament, c'est un principe actif, c'est plus un adjuvant. Donc sur l'indication, c'est dans l'état de choc, on en a parlé. Ou là, dans l'arrêt, quand on avait parlé d'un voie intra-cardiaque, injecté au niveau du faisceau de Willis, quand on fait suite à un ICEC, chirurgie extracorporelle, redémarrer le cœur, on avait dit qu'on utilisait l'adrénaline. D'accord ? Ça, c'est une indication. Mais là, l'indication, on utilise l'adrénaline en tant que principe actif. Donc, par voie systémique. Alors que si j'utilise l'adrénaline par voie sous-cutanée, regardez la pathologie qui thérapeutique change complètement, l'adrénaline n'est plus un principe actif, il devient un adjuvant. À la question de vos jeux de mots. Donc c'est une même molécule que vous allez faire quand vous utilisez d'autres exemples, selon la dose, selon la voie, les objectifs thérapeutiques, également, changent. Donc vous notez donc ces effets, donc l'adrénaline, ces effets sont essentiellement métaboliques, effets essentiellement métaboliques. Et ses principales indications en thérapeutique sont, et ses principales indications en thérapeutique sont le choc anaphylactique, c'est-à-dire si quelqu'un fait une réaction du type 1. D'accord ? Mais généralement, il faut faire attention, moi si j'étais à votre place, j'utiliserai pas dans, si vous êtes dans le milliard, si je vous rappelle, si vous êtes appelé, vous êtes en train de faire un choc. Vague à l'échange anaphylactique, il est préférable de ne pas utiliser l'adrénaline. Et non, le risque est plus gros. Je ferai presque une tonne pour faire le choix. Là, qu'est-ce que je lui donne? Si c'est une femme enceinte, qui vient avec la défaite, vous allez lui donner l'adrénaline? Qu'est-ce que vous allez lui donner? Qu'est-ce que je donne? Vous voyez, au moins une classe thérapeutique. On va aller à l'échec. À la fin, qu'est-ce que je donne? Comme classe thérapeutique, qu'est-ce que je donne? Un antifoie. Antihistaminantiste. Non, c'est pas la fin. C'est une chose d'allergie de choc à la fin. Sauf que c'est une hypersensibilité du crâne. Voilà. Qu'est-ce que je donne? De préférence, si vous n'avez pas le choix, vous n'avez que l'adrénaline, il faut donner de l'adrénaline. Et si c'est une femme enceinte, le bénéficier, c'est quand vous posez des problèmes. C'est là que je reviens à la question. Vous donnez un choix. Un parasympathologique. Qu'est-ce qui est présenté pour la question de la classe? Au lieu de donner des antihistaminiques, généralement, on va avec une inflammation. Un choc à l'aise, une inflammation. Je donne un anti-inflammatoire. Mais un anti-inflammatoire, je préfère. L'adrénaline va me donner plus de risques, ça va diminuer plus de risques fœtaux que pour la maman. Il va résorber le choc chez la mère, mais il y a plus de risques chez le bébé. Vous donnez les corticoïdes, ils sont pas plus puissants sur le plan d'efficacité, mais sur le plan de bénéficier, vous savez moins. C'est moins dangereux aussi bien pour la maman que pour le fœtus. Soit dans l'arrêt cardiaque, même dans l'arrêt cardiaque, vous verrez, vous pouvez poser la question, je vous laisse le choix. Et il y aurait bien plus facile pour les personnes qui sont en stage en réa. Cache, les urgences se cachent. Vous faites pas de stage en réa ? Si, je vais. Ils sont plus sortis que les urgences. Ils sont tellement fatigués de la En tout cas, c'est un jour de posez la question réellement. Devant un arrêt cardiaque, qu'est-ce qu'on utilise ? Soit cette molécule, si vous avez terminé l'étude, c'est bon ? Oui. Soit vous donnez la deuxième molécule. Et c'est pour ça que je vous ai demandé. La dopamine. La dopamine utilisée en réel. Avant de noter, la dopamine est donnée selon l'objectif thérapeutique. L'objectif thérapeutique change même pour la même fois en fonction de la dose. À faible dose, la dopamine est donnée en perfusion d'or chez les sujets en prostor. Sur la douleur ? Non. Vasodilatateur vaginal. Pourquoi ? Très bien. Ce qu'on appelle chez les chirurgiens, les anesthésistes, on va couvrir la fonction rénale. Donc il commence à uriner pour éliminer toutes les drogues. Ça, c'est le grand souci des anesthésistes réanimateurs. En post-op, c'est les gaz et la fonction rénale. Si le malade se dégaze et que la fonction rénale a repris, il s'en heurte. S'il y a l'une qui ne fonctionne pas, la fonction surtout de la descente, c'est pour ça que la diurèse est nouvelle, même en gynécologie, quand j'ai pas provoqué, on fait des césars, et tout, si on constate que ça ne marche pas, et bien on booste, on stimule en donnant de la dopamine. Si la dose augmente, et bien la dopamine va jouer le rôle de stimulateur de notre récepteur. Parce que la dopamine, si elle va se fixer, elle va se fixer sur ses propres récepteurs. C'est pour ses récepteurs n'importe quel nom. La dopamine, c'est le récepteur dopaminergique. Tout simplement. Si on augmente la dose, la dopamine va entraîner une augmentation du débit cardiaque. C'est-à-dire, de quel type de récepteur ? Bêta, merci beaucoup. Le récepteur cardiaque bêta. Maintenant, si on est en surdosage, en surcharge, la quantité va non seulement inonder les récepteurs dopaminergiques, les récepteurs bêta, mais elle va aller vers d'autres récepteurs qui vont provoquer une vasoconstriction. Et le risque d'une vasoconstriction, c'est l'hypertension. Ça, c'est un accident. Voilà, avoir un accident vasculaire. Et donc, la vasoconstriction est due à quoi ? À la stimulation, parce qu'on avait dit mimétique. Alpha. Vous avez fait attention. Vous avez dit tout à l'heure. Au niveau des récepteurs alpha, sur le plan des coronaires, on a une constriction. Alors que sur les récepteurs bêta, on a une vasodilatation. Les récepteurs, les bêta adrénergiques entraînent vasodilatation. Les récepteurs bêta adrénergiques. Les récepteurs alpha adrénergiques, qu'on appelle les alpha mimétiques, entraînent une vasoconstriction, donc est propre aux récepteurs alpha bêta. Donc, on constate, regardez que la réponse, en tant que précurseur, regardez, tout à l'heure j'ai parlé de l'adrénaline. La dopamine, c'est le schéma que vous avez, est un précurseur de la dopamine. Et bien, son affinité est variable. Son affinité est propre, elle est plus grande pour ce propre secteur, c'est-à-dire au niveau rénal. Si on augmente la dose, d'accord, l'affinité va aller beaucoup plus. Il va inonder. Un camarade m'a posé ce matin la question en disant, mais monsieur, il va aller sur le récepteur uniquement bêta ? Non. Il va aller sur le récepteur bêta que sur le récepteur dopaminergique. Sauf que si vous avez un sujet qui vous fait une détresse, un arrêt cardiaque, Parce que vous allez vous occuper de sa fonction ménage. Le plus important, c'est de démarrer sa fonction. C'est ça l'urgence. Et là, généralement, qu'est-ce qu'on fait? Et là, il est en perfusion avec une sereine automatique. Surtout, c'est donc qu'il fait des extraits systoliques. Après un arrêt cardiaque, on le met sous dopamine et on surveille. Et vous surveillez naturellement sa fonction cardiaque, mais vous surveillez également ça. La pression artérielle, parce qu'il ne faudrait pas qu'il soit en, en surcharge. Ce n'est pas une pression artérielle. Il faudrait que sa tension soit normale. C'est ça. Dès que sa tension augmente, c'est qu'on est en train plutôt d'inonder ses récepteurs alpha, plutôt que de stimuler les récepteurs bêta. C'est un traitement d'urgence sous surveillance. Ce n'est pas un médicament qu'on donne sur le bord de l'eau. C'est un traitement sous surveillance médicale. Et là, on constate que c'est des molécules, regarde, c'est la complexité de la thérapie du système nerveux. Et bien, non seulement vous donnez un médicament, vous ne savez pas, je vais vous donner d'autres exemples, est-ce qu'il a une affinité pour les récepteurs alpha, bêta ou adrénergique ou dopaminergique, mais en de surplus, que cette réponse est variable en fonction de la dose. Est-ce que c'est clair? Donc, il a un triple effet. À faible dose, c'est un vasodilatateur, c'est-à-dire qu'il augmente la natrie urèse. Bon, c'est une pente diurétique là. D'accord? Mais là, la spécificité, c'est pour les récepteurs dopaminergiques. À dose thérapeutique un peu plus élevée, et donc, il provoque une tachycardie, donc une augmentation du débit cardiaque. Donc, c'est une affinité pour les récepteurs bêta. Et à forte dose, il inonde le récepteur alpha, provoquant une vasoconstriction qui est considérée comme étant un effet secondaire, indésirable. Alors que le récepteur à bêta est considéré comme étant un effet. C'est un effet latéral, exploité thérapeutique. C'est un effet latéral. C'est-à-dire qu'il est utilisé palliatif. Parce que souvent les réalisateurs, souvent quand ils ont des arrêts cardiaques, ils préfèrent de loin utiliser la dopamine que l'adrénaline. L'adrénaline est forte. Son effet brutal et disparaît rapidement. Et si on n'utilise pas, on peut donc provoquer un arrêt cardiaque. La dopamine a un effet moins puissant, mais plus contrôlable. D'accord ? On peut le donner en perfusion droite et on arrive à réguler. C'est-à-dire qu'on a une bonne réponse thérapeutique, on peut surveiller pour trouver les effets secondaires. Est-ce que c'est clair? On reste toujours dans les mimétiques. Toujours dans les mimétiques, on a, j'ai vu, donc on a vu les récepteurs d'énergie. Je vais demander mon émission, celui de certains récepteurs. Alpha 1 sont responsables de la vasoconstriction. J'ai dit, agoniste. Alors, alpha 2, c'est un antagoniste, c'est un effet inverse. On passe donc au récepteur alpha 1 agoniste. Dans le récepteur alpha 1 agoniste, je vous ai donné deux exemples. Deux exemples. D'accord, vous avez une réponse intelligemment. C'est quand on a accès à la question par la pharmacovigilance. Je vous ai donné cinq propositions. Les gens. Si vous avez suivi. Le TD qu'on avait vu, on avait dit, je vous ai donné. Normalement, toutes les propositions qui commençaient par vrai, je vais mettre POS. Parce que j'ai dit LP. C'est un jeu, j'ai dit vrai, incrédule. Mais d'emblée, la même chose. Là, vous prenez. Ça, je demande d'essayer de raisonner, vous n'avez pas besoin d'argent. Je vous donne deux médicaments. Vous n'avez pas besoin d'argent, je mets médicaments alpha 1 agoniste. D'accord ? Ouah est un décongestionnant nasal, d'accord? Et l'autre entraîne une hypotension orthostatique. Donc, il est indiqué pour une hypotension orthostatique. C'est-à-dire que ce sont des récepteurs qui se fixent sur les récepteurs. Ce sont des stimulants alpha 1 qui vont provoquer quoi? Une vasoconstriction. Donc, le décongestionnant nasal est à réaction commune. Si dans le deuxième cas, le médicament, c'est un médicament qui est indiqué dans l'hypotension. Vous savez ce que c'est? C'est normal, les gens qui souffrent, quand ils se lèvent brutalement, ont des vertiges. Donc il y a donc, généralement une hypotension qui se lève brutalement. Donc on fait tout pour augmenter indirectement Attention, ces emplois en provoquant une vasoconstriction. Donc, manque de débit, donc de ce fait, pour mieux irriguer le système. Ça, c'est une indication, c'est clair. Donc, l'intérêt, c'est dans ce cas, est un but à action systémique, c'est une voie orale. Le deuxième, bon, le décongestionnement nasal, c'est plus qu'une vasoconstriction. Et l'action est comment ? Local. On l'utilise pour souvent des gens qui ont des rhumes, des rhinites allergiques, ceux qui ont des écoulements. Tous les médicaments, les sprays, sont à base, il y a une molécule qui est à base de alpha agoniste. Certains contiennent la lafazoline, et d'autres contiennent d'autres molécules qui sont des vasoconstrictions. C'est-à-dire le fait de provoquer une vasoconstriction locale. Ça permet de mieux respirer, d'accord ? Mais il ne faudrait pas en abuser. Pourquoi ? Non, ce n'est pas parce que ça suffit. Le fait de donner trop la base de conception, qui est synonyme de ischémie, c'est cellulaire déjà. Nécrose, merci beaucoup, c'est une nécrose. Et c'est pour cela souvent les gens qui abusent de ce truc, finissement, c'est mieux guidé. Par un effet nécrotique, sinon s'ils abusent trop, ils perforent la cloison nasale. Par contre, c'est une énergie, la cloison nasale est perforée. C'est les gens qui font le... C'est le même l'effet de la cocaïne. La cocaïne a cet effet. Pourquoi les gens qui se chutent à la cocaïne saignent du nez ? Parce que c'est vrai, ça passe dans le cerveau, donc il y a un effet. Pas hallucinogène, mais il a un effet, parce que la cocaïne, généralement, comme vous voyez dans les films, il goûte autre qu'à la cocaïne, il la met sur la langue. Pourquoi ça ? Pourquoi ? Pour voir la pureté. Mais par quel effet ? T'as pas fait un an. Le jour, c'est pas le tout à coup, ça. Pardon ? Non. Anesthésiant. Elle a un effet anesthésiant. Plus elle est pure, l'effet anesthésiant gravit et dur. Quand elle est mélangée, quand ils disent que c'est de la cocaïne coupée, alors il a triché, il la mélange avec la farine du tac, l'effet anesthésiant, soit n'apparaît pas, soit quand il apparaît, il met du temps. Mais quand elle est pure, dès qu'on la met sur la langue que. Et c'est là, voilà, en tout cas, l'effet anesthésiant est rapide. Ça, c'est pas de la pharmacie. Non, hier, votre femme a dit une hypotension, oui, les vasoconstrictions peuvent provoquer par la suite parce qu'ils vont entraîner une vasoconstriction et parfois, quand le débit augmente trop, vous avez donc une augmentation du débit. Le débit, j'ai dit que le débit conservateur est hétérogène. Donc cette modification brutale du débit peut entraîner des céphalées. Là, c'est une des raisons des céphalées. Soit c'est que c'est un effet vasoconstricteur, d'accord ? Soit c'est un effet vasodilatateur. Des dérivés d'énergie. Une molécule prend d'autres des céphalées, par exemple, qui ont des céphalées rebelles. D'accord ? Par vasoconstriction, c'est une mauvaise irrigation du cerveau, mais là, on a finalement des céphalées. Une des raisons, on en a plusieurs. On est bien d'accord sur ça ? Donc, vous notez, s'il vous plaît, pour les alpha-agonistes. Donc, il y a donc, vous notez des vasoconstricteurs locaux, tels que la nafazoline. La vasoconstrictrice, vasoconstricteur local, et la métaramineule, la vasoconstrictrice est un vasoconstricteur local, et le métaramineule est un vasoconstricteur systémique. Le c'est pour un décongestionnant, l'autre est impliqué dans l'hypotension, pour tout ça. nafazoline, décongestionnant local, métaraminol, vasoconstricteur systémique, un truc dans l'hypotension. Vous allez voir, donc on va passer en dernière classe, c'est les bêta-bloquants. Les bêta plutôt. Les bêta, parce qu'on est dans les mimétiques, donc les bêta agonistes, et vous allez voir que là, c'est un autre exemple de spécificité de réponse. On a des médicaments, puisque ce sont des directs pour le moment. On est dans les directs. Les bêta agonistes directs sont des médicaments qui se fixent soit sur les récepteurs alpha, soit sur les récepteurs bêta. Mais il y a ceux qui se fixent de façon anarchique aussi bien bêta 1 que bêta 2. Il y a d'autres qui se fixent uniquement sur les bêta 1 et d'autres uniquement sur les bêta 2. Donc quand vous avez mis en A3 alpha agoniste, en A4 les bêta agoniste. Dans les bêta agonistes, vous avez des bêta 1 et 2 agonistes. C'est une molécule que vous avez déjà vue. L'isoprénaline. Vous entendez bien? Les voies, la voie pulmonaire, l'isoprénaline, grand coordinateur, à faible dose, et à forte dose, c'est un médicament selon le dosage. Si vous le donnez à faible dose, il a une action locale, c'est un traitement de la substance expiratoire. Et si on le donne à forte dose, il est donné dans le cadre de stimulant, c'est-à-dire dans les états de radis. C'est-à-dire que là, la fluidité va changer en fonction de la dose. C'est comme je disais tout à l'heure pour la dopamine, à faible dose. Elle se fixe sur le récepteur de droite énergique, à deux un peu plus élevé, c'est le bêta 1, et à forte dose, elle va aller directement sur le récepteur secondaire 1. Dans la même chose, donc heureusement, l'affinité est uniquement pour bêta 1, bêta 2, c'est-à-dire soit au niveau des récepteurs cardiaques ou des récepteurs vasculaires, que ce soit dans les vaisseaux ou les veines. D'accord ? Un médicament spécifique en cardiologie, spécifique pour les récepteurs bêta 1, c'est la dobutamine. La dobutamine est une molécule spécifique pour les récepteurs bêta 1, donc elle est indiquée uniquement pour les défaillances cardiaques. Sur le plan d'indication thérapeutique, les médicaments du système nerveux autonome sont un peu bizarres. Ils peuvent agir aussi bien de façon locale, vasculaire, cardiaque, bronchique, et vous allez voir que même on peut aller donc. Les indications thérapeutiques sont un peu larges, et on passe carrément au bêta 2, molécule que vous connaissez, la salbutamol. C'est quoi ? C'est la chivazole. C'est la ventoline. On est dans le traitement de l'asthme. Parce que c'est un bronchodilatateur. Et le buvadinol est un tocolytique. C'est un tocolytique. Mais là, c'est un ventoline. On est dans la gynécologie. Parce qu'il y a des récepteurs, et la deux, c'est un mouvement de plus. Donc, regardez les indications. Totalement, selon ces mêmes récepteurs. Mais la spécificité est ailleurs et la plus grande. état 2 à cause X, vous avez le SAB métabol, le SAB métabol, qui est un bronchodilatateur, indication en asthme bronchique, et le duvalinan. Duvalinan, utilisé en gynécologie esthétique, est un tocolytique. Menace de l'ordre. Pour certains, donc, il y a deux méthodes pour arrêter les menaces de l'ordre, soit le cerclage, soit ce terrain. Est-ce que c'est clair? Merci.